Dossier 7, c'est mon choix. Leçon 2, quel look? Activité 3 et 4. Bonjour mademoiselle. Oh, j'adore votre look. Ah bon? Merci. Je travaille pour le site modederue.com. Vous connaissez? Non. Qu'est-ce que c'est? On photographie et on interviewe des personnes dans la rue pour découvrir les looks, les tendances. Je peux faire 2 ou 3 photos et vous poser quelques questions? Oui, d'accord. Oui, voilà, super. Bon, on passe aux questions? Pouvez-vous décrire votre look aujourd'hui? Mon look aujourd'hui? Je porte une jupe courte à fleurs, un petit pull gris, un blouson en cuir marron, des bottes et un collant noir, et 2 écharpes. Vous avez une couleur préférée? Pas vraiment, mais plutôt les couleurs vives. Et votre vêtement ou accessoire préféré? Les écharpes. Et vous portez souvent des jupes? Quel est votre look en général? Oh, ça dépend. Je peux porter aussi un jean et un t-shirt. Mais l'été, je mets souvent des petites robes sans manches, en coton. Voilà. Bon, et pour finir, où est-ce que vous achetez vos vêtements? Vous avez des marques préférées? Ça dépend.